Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout clément, le tout miséricordieux, souverain du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous cherchons l'assistance. Guide-nous sur la voie droite, voie de ceux que tu as comblés de tes grâces, non celle des réprouvés, ni celle des égarés.